à l'ENA pour pouvoir assumer un poste et tu vas pas avoir plus de 50 ans pour pouvoir avoir un poste de décision réelle. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde participe pour que ça change. Mais tu le dois, mais tu le dois à ton étoile. À ton étoile. À Marcos, à la joie. Et à la beauté de Rava. À la mélancolie, à l'espoir qui nous tient, à la santé du feu et de la flamme à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. Étoile. Siempre al horizonte, soles que fejan, si no tienes la solución, siempre hay el corazón. Puedes reír, crupir, échemelo, échemelo, échemelo hasta tu estrella. Hasta tu estrella. Hasta tu estrella. A changé dans la société entre les années 60 et maintenant, dans le point de vue qu'a la société vis-à-vis des Indiens. À Chenalo, ce qui a changé, c'est que vraiment les Indiens ont pris conscience de leurs valeurs et que maintenant ils ne se laissent pas faire. Hein. Actuellement, on avait hâte de ne recevoir aucune aide du gouvernement. Hein. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement. Enfin, c'est une partie. Enfin, maintenant, quand même, la plupart des Indiens se font respecter de la part des Métis. Et maintenant, les Métis ne seraient pas capables de les traiter comme quand je suis arrivé. À ton étoile.